L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le village de Réméréville organise ce vendredi 13 octobre un grand spectacle de variété. David Pierre, bonjour. Bonjour Monsieur Antoine, merci de m'accueillir sur votre antenne. Eh mais c'est tout naturel. Donc ce vendredi 13 octobre, donc je le disais, un grand spectacle de variété en l'église de Réméréville. Pourquoi ce spectacle ? Oui, donc nous avons décidé un spectacle au profit des Restos du Cœur, donc avec la chorale Les Voici, Les Voilà de Haïcourt, une chorale de 60 personnes qui vont venir interpréter des variétés et des chansons également du répertoire des Enfoirés. Et ils vont se produire à Réméréville au profit des Restos du Cœur. Les entrées se font sous forme de dons et de denrées alimentaires remises sur place aux bénévoles des Restos. C'est la première fois que vous organisez ce spectacle ? En spectacle variété, oui. Sinon, on l'avait fait l'an dernier sous forme d'un spectacle de magie qui avait très très bien fonctionné car les Restaurants du Cœur sont repartis avec presque 900 kilos de denrées alimentaires. Voilà, donc un record à battre cette année. Voilà, on espère battre le record en sachant qu'on arrive à faire rentrer un peu plus de monde dans notre église que dans notre salle polyvalente. Et pour rehausser cette manifestation, elle est parrainée par Aïssa Dba. Donc Aïssa Dba qui est une chanteuse africaine et qui se produit beaucoup et qui anime beaucoup les ateliers musiques du Grand Couronné. Et nous avons également la présence de Chloé Cerilli, donc Miss Lorraine 2017, et également Emma Wirtz, Miss Meurthe-et-Moselle et deuxième dauphine de Miss Lorraine, qui viendrait également avec ses dauphines à notre spectacle. Voilà, elles signeront des dédicaces, je crois. Voilà, donc avant le spectacle, donc de 19h30 à 20h30, il y a des séances de dédicaces et photos à la salle polyvalente et le concert débute à 20h30 en l'église de la commune. Voilà, donc rendez-vous à partir de 19h30 à la salle polyvalente pour les photos dédicaces en compagnie de Miss Lorraine, Miss Meurthe-et-Moselle et ses dauphines, ainsi que la chanteuse Aïssa Dba. Et donc le concert, c'est à 20h30 là, en l'église de Réméréville. Et donc, je vous laisse le redire, on vient avec des denrées alimentaires. Voilà, tout ce qui est denrées alimentaires, pâtes, huiles, etc. Et on espère battre le record de l'an dernier, donc des 900 kilos. David Pierre, merci. Merci beaucoup, Monsieur Antoine. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.